that's a bad mistake. Cause the moon was full and you had a chance to be all alone, but you're not alone. This is your last dance and your last romance. Yeah, cause he's back. He's a man behind the mask and he's out of control. He's back. The man behind the mask and he crawls out of his hole. Turn out the light. No. Yeah, cause he's back. He's a man behind the mask and he's out of control. He's back. The man behind the mask and he's after your soul. He's back. The man behind the mask and he's out of control. He's back. The man behind crawls out of his hole. Yes, salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio en ouverture. Ce is back, the man behind the mask, live sur la scène du Wacken en Allemagne, bien entendu, pour ce morceau qui n'est rien d'autre que la BO de Vendredi 13, puisque nous sommes le vendredi 13 janvier 2023. Le père Vincent Fernier nous avait signé la BO, bien entendu, de ce film d'horreur des années 80, Vendredi 13. Donc, comme on en a passé dans Pop Dreams, il y a de ça quelques instants, du Jeff Beck, bien sûr, triste guitariste, triste disparition du guitariste légendaire qui a bravé les décennies, qui a su faire évoluer son style de musique et le son de sa guitare, et toujours être dans l'exploration, partant bien entendu de la musique 60s pour aller vers le jazz rock des années 70, avant même de partir vers des, à la fin des années 90, vers des influences plus électroniques. Et au début des années 90, il avait même participé à l'album solo du bassiste de Guns N' Roses, Duff McKagan, Believe in Me. Il apparaît sur deux titres de cet album, Believe in Me, pour être vraiment dans un style beaucoup plus hard rock, metal. Il a même participé au dernier album solo en date de Ozzy Osbourne, Patent No. 9. Donc toujours là dans les bons coups. Une très grande carrière. Donc on va se passer ce morceau qui nous ferait presque penser à du Lenny Kravitz, ou alors même Lenny Kravitz d'ailleurs, qui est également invité sur cet album, ou même ce que Jeff Beck avait fait avec Stevie Wonder pour I Ain't Superstitious, Believe in Me, et le morceau Fucked Up Beyond Belief. Matt Sorum à la batterie pour une grosse frappe de colosse. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Dio. Yes, Wednesday 13 pour ce vendredi 13 avec son dernier album paru sur Napalm Records et le morceau Your Soul, He The Us pour l'ancien musicien des Murder Dolls en compagnie de, du batteur de Slipknot. Afterlapse, tout de suite Face The Storm sorti sur Frontiers Records pour du hard rock mélodique. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio 2. Yes, After Lapse, extrait de cet album Face the Storm sur Frontiers Records, du métal progressif mélodique, super bien exécuté. On va revenir cette fois du français avec le groupe Working Class Heroes qui nous sort Working Class Heroes, un groupe qui existe depuis maintenant plus de 20 ans. Metal influencé à l'époque par toute la scène de New Metal. Ils sont arrivés à sortir et à produire un metal moderne. On retrouve ici une superbe production avec un son de basse qui est bien, bien gras comme je les aime. No Excuses, No Remorses et le morceau Hurt Me Plenty dans Overdrive. Radio Dio, vous écoutez toujours de la musique qui pulse. We need everything but glory. Yes, Working Class Heroes avec son album No Excuses, No Remorse, le morceau Hurt Me Plenty, gros son de basse, pas mal de programmation également. Et puis même si le propos a peut-être un peu changé depuis les premières années du combo, on ressent aussi cette influence un peu de l'époque du new metal d'il y a une vingtaine d'années maintenant, avec bien sûr un côté moderne également. On va revenir avec du heavy metal pur et dur maintenant. Screamer, ce groupe polonais nous revient avec Blood King, sorti sur le label Frontiers Records, du heavy, rapide, inséré et très bien produit là aussi. Voilà pour le groupe Scream Maker avec son album Blood King, pour ces Polonais qui sont fans de heavy metal pur et dur. On va passer maintenant à quelque chose d'un peu plus alternatif avec Imparfait, ce quatuor rock metal formé en 2015 qui nous sort son premier album Téléma et qui nous sort ça sur son propre label Téléma Records. On retrouve un chant à la fois lyrique et screamé, avec même des pointes de hip-hop, avec un côté assez personnel. On en voit ça tout de suite dans un style différent, Imparfait, avec son album Téléma. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Dio, il est 22h. Fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Aujourd'hui, je me sens américaine, je me balade dans la street comme dans une fête foraine. Ouais, papa à la main, ouais, photo de maman. T'inquiète, je le vis bien, ça fait plus mal comme avant. Dans les films Disney, bah ouais, j'ai appris la morale. Bang bang à la volée, il faut tirer quelques balles. J'ai chopé la belle poupée aux grands yeux bleus. Je me sens belle à travers ses jolis yeux. Miroir, où est-ce qu'ils sont venus? Je veux voir bouger mes cheveux. Ok, les miens non, c'est facilise, mais j'en fais ce que je veux. Je passe la prochaine étape, mon miné. J'ai arrêté de me questionner. Donne de réponses toutes faites qui m'anesthésie la serre. Vengeance! Bang bang! On est toujours brillants, eh? On est toujours parfants, eh? Toujours en avance, eh? On joue à bang bang! T'inquiète, y'a pas d'enjeu, on m'a dit tu verras, c'est facile. Mr. Radacha the Sheriff, chat the Sheriff. Ça m'a coûté cher vouloir être libre. Pour être la plus badass, j'ai appuyé sur la gâchette. J'ai perdu un de mes doigts dans le putain de process. Mais j'suis là pour défoncer le game. Avec flow et glow à l'américaine. Miroir, où est-ce qu'ils ont fait de nuit? Je veux voir bouger mes cheveux. Ok, les miens, non, c'est pas si lisse, mais j'en fais ce que je veux. Je passe la prochaine étape, mon miné. J'ai arrêté de me questionner. Donne une réponse toute faite qui m'anesthésie la serre. Bonjour, bang, bang! On est toujours brillants, ouais. On est toujours pas bon, ouais. Imparfait avec son album Téléma, c'était paru il y a quelques mois. Voilà, on revient avec du hard rock beaucoup plus traditionnel maintenant avec le groupe Statement et ce Dreams from the Darkest Side paru sur Mighty Music, le label danois, une très bonne production, là aussi bien énergique. Quelque chose qui serait sympa de voir dans une salle comme le Rock and It à Lyon, Statement. Thank you. on the wrong side of the bed, trying to remember all the crazy things you said. Don't know where we're going, ain't got time to wait. Come on girl, make me feel alright, take me home tonight. Nothing to lose. You might think I'm crazy, think that I am wild. The reason why I lose control, the rock makes me roll. Looking for some peace of mind. Vous venez d'entendre le groupe Project qui nous sort là son cinquième album. Donc ce groupe fondé dans les milieux des années 90 est un groupe de rock mélodique, hard rock mélodique, qui nous sort là son cinquième album The Awakening en ce début d'année 2023. Ils étaient formés au milieu des années 90 et on retrouve un trio, à la fois un guitariste, chanteur, guitariste également qui joue des claviers, un peu la Van Halen, et puis également un batteur. Voilà pour un bon témoignage, bien entendu, d'application et de dévotion à la musique. Ça fait plaisir à entendre. Maintenant, du heavy metal avec Incursion et Blinding Force, sorti en cette fin d'année 2022. On revient dessus avec Blinding Force par Incursion. We'll be right back. Voilà pour Incursion. On va revenir à maintenant à du progressif, metal progressif, avec les patrons, tout simplement Dream Theater et leur album View from the Top of the World, paru il y a de ça un an sur Sony Music. Donc le groupe depuis a remporté un Grammy Awards, l'équivalent bien entendu des récompenses, bien entendu des victoires de la musique, pour son dernier album, ce qui a un petit peu amusé John Petrucci, quelqu'un à qui on a toujours dit dans son discours de remerciement, il a dit qu'on les avait toujours dit qu'ils ne pouvaient pas avoir de succès avec leur musique technique et compliquée, et que tout simplement ils devaient faire autre chose. Et puis bien entendu ils n'ont pas accepté ces remarques là et ils ont continué leur petit bonhomme de chemin, et les voilà quelques années plus tard avec des millions d'albums vendus, bien entendu une grosse carrière, 15 albums solo et 15 albums studio, et bien entendu une victoire de la musique, avec un extrait donc de cet album, View from the Top of the World. Donc j'aime beaucoup le long morceau, titre View from the Top of the World. Malheureusement il dure 20 minutes et ça risque de prendre un peu de temps et de place qui seront distribués à d'autres productions. Et pour l'heure on va se passer Invisible Monster, qui est un bon titre assez métal, sur ce dernier album du groupe américain Dream Theater. We'll be right back. maintenant du rapide avec Stalker et ce Kneel and Worship. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Yes, vous venez d'entendre le groupe Stalker avec ce Ripped to Pieces et une production très lo-fi. Ça me rappelle le Slayer des débuts, cette hargne, cette fougue Voilà, on va rester dans le trash maintenant dans Overdrive. Il est 22h passé de 30 minutes. Ce sera au tour de Megadeth, de son dernier album The Sick, The Dying and The Dead. Un album rapide, un album incisif, une grosse prod également très, très claire. Même si on peut peut-être regretter un petit peu l'absence d'une basse un peu plus marquée. Peut-être que c'est dû au départ de David Ellefson. En tout cas, les parties de basse ont été interprété sur cet album par Steve DiGiorgio, c'est pas rien. Donc très très bon album, on y retrouve bien sûr Kiko Lorero, Dirk Verburen à la batterie également, et puis bien sûr Dave Mustaine avec sa verve légendaire. Life in Hell, tout de suite pour une belle leçon de French. Est-ce que les Four Horsemen seront relevés le défi dans quelques mois? On verra ça. Busted, caught red-handed again. You can't be trusted, born to lose, you'll never win. You're so corrupted, you stand afar as condemned. So maladjusted to the world we're living and dying in. Spy versus spy, you never have France you tonight. The truth of where you've been, you get caught, and then the blame game begins. A couple drinks, and then you'll feel okay. A couple pills, makes the world go away. What the hell, you're gonna die anyway. And you'll say, I'm a disease, and I'm addicted to myself. I'm all I need, I'm gonna live and die in hell. It's over and over, you just couldn't resist. A couple drinks, and then you'll feel okay. A couple pills, makes the world go away. What the hell, you're gonna die anyway. And you'll say, I'm a disease, and I'm addicted to myself. I'm all I need, I'm gonna live and die in. We'll be right back. Yes, vraiment un Megadeth au top de sa forme. Je pense que le batteur Dirk Verbeuren n'y est pas étranger du tout. On continue avec une réédition cette fois. Type O Negative et son Dead Again qui est réédité sur le label Nuclear Blast. Voilà qui fait vraiment un grand plaisir. Ce n'était peut-être pas l'album de Type O Negative que tous les fans mettent en avant, puisque à l'époque des années 90, ils avaient quand même beaucoup plus de succès. Néanmoins, ça reste un disque qu'il est plaisant de réécouter, mais qui reste malgré tout intéressant. De grosses influences Black Sabbath sur celui-là. Type O Negative avec son album Dead Again. Red, you got the risen dead. This means God's plan is back on you. It It's a Friday 13th, of course you will live to see noon. Why are you a brother of doom? Why are you a brother of doom? So now the star has fallen, washing away the seas. The seventh seal now opens, it's raining your ears. Are you paranoid? Well, coming at the right, it's got your name tattooed on it. This stone's called a coffers, it brings apocalypse. Yes, Typo Negative, une longue plage musicale avec Prophets of Doom, extrait de cet album Dead Again. Encore une fois, on regrette. Il nous manque ce bon vieux Peter Steele, vraiment une personnalité musicale hors du commun. On revient à une sortie de 2023 maintenant. Début février, on retrouvera Forgone de In Flames. Forgone. Alors, est-ce que In Flames a été influencé par le retour aux affaires des anciens membres avec cet excellent album Days of the Lost de Halo Effect, paru en 2021, puisqu'ils nous sortent là un album qui n'ont fait pas vraiment un retour à l'époque des Jester Race, mais qui s'en approche quand même un petit peu. Forgone, qui reste inspiré, peut-être plus inspiré que les dernières compositions du combo de Göteborg. Ce sera Forgone Part 1 par In Flames. Yes, Forgone Part 1 par In Flames, un groupe qui revient un petit peu aux affaires et ça fait plaisir. Un autre retour, il s'agit de Catatonia qui nous sort ce Sky Void à la fin du mois de janvier sur Napalm Records. Le groupe sera en compagnie de Sol Staffir au Oninkasikao de Gerland le 4 février prochain. Si vous avez prévu d'y aller, dépêchez-vous, il reste qu'une petite poignée de places, ça devrait être complet. À noter que ce concert était originalement prévu en 2022 et qu'il a été repoussé jusqu'en 2023. Et voilà, donc on va passer un extrait de Sky Void de Catatonia, un groupe que j'apprécie tout particulièrement. Je ne sais pas si j'aurai la chance d'avoir une place, néanmoins j'aimerais bien. Ce sera Atrium tout de suite par Catatonia. Excellente production sur ce Atrium de Catatonia avec son album Sky Void, qui devrait être une excellente soirée en compagnie de Sol Staffir le 4 février prochain au Ninkasi Kao de Lyon. Dépêchez-vous, comme je l'ai dit, il restait que quelques place tout à l'heure. Voilà, on va terminer Overdrive maintenant. On remercie tout le monde pour l'écoute. On rappelle le www.radioduo.org, le www.facebook.com/overdrive-radioduo pour retrouver les podcasts et les références des morceaux que vous auriez aimés durant l'émission. On se quitte au son du death metal de Red Sphere avec The Renium Lupus et ce morceau War and Lies qui nous apparaît être un peu comme un behemoth français. Voilà, je vous remercie tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Bye bye.